Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Certes, le fait de se prosterner pour Allah tabaraka wa ta'ala est une considération et un honneur. Islahul Ummah, réformation de la communauté. Car Allah élève l'être humain en fonction de ses prosternations et son asservissement. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Plus l'être humain se prosterne et plus il se rapproche de son Seigneur. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullah ta'ala. Et le moment durant lequel l'homme se trouve le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est prosterné. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Et c'est pour Allah que se prosterne tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Celui qui aura réussi dans cette vie d'ici-bas et qui sera le véritable gagnant est celui qui aura été obéissant, car il se sera prosterné et humilié pour Allah. Sermon numéro 29. At-taqarrubu ila al-ma'budi bi kathrati as-sujudi. Le rapprochement vers l'adoré par la multiplication des prosternations. Celui qui ne se sera pas prosterné par soumission envers Allah tabaraka wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas, alors qu'il en aura eu la capacité, espérera au jour de la résurrection pouvoir le faire. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن نستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse Hawa, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres. Et craignez de rompre les liens de parenté, certes Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions, et qu'il vous pardonne vos péchés, et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما توعدون لآتي وما أنتم بمعجزين. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes le livre d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée. Et toute chose inventée dans la religion est une innovation. Et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Et ce qui vous a été promis va certainement se produire. Et vous ne saurez faire quoi que ce soit pour l'en empêcher. Ô vous les gens, certes la chose la plus grandiose que l'homme puisse posséder dans cette vie d'ici-bas, et aussi la plus noble qu'il puisse amasser, est l'adoration du Seigneur des mondes, Tabaraka wa ta'ala. Et rien ne pourrait être véritablement profitable à l'être humain dans cette vie terrestre s'il ne concrétise pas l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, son assouvissement et sa soumission. Mais sa vie tout entière ne serait plutôt que peine et malheur. Rabbana, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ô Seigneur, certes quiconque tu feras entrer dans le feu de l'enfer, tu le couvriras vraiment d'ignominie. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Donc il n'y a, en vérité, pas de bonne et agréable vie, ni de bonheur dans cette vie d'ici-bas, tout comme dans l'au-delà, si ce n'est qu'à travers le dévouement à Allah subhanahu wa ta'ala, son adoration et le fait de s'humilier face à lui, et de se soumettre à lui, de même que de s'en remettre entièrement à lui, tabaraka wa ta'ala. Voilà en quoi consiste le culte. Voilà en quoi consiste l'adoration, sa finalité. À savoir, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala accompagné de sa soumission la plus totale, tabaraka wa ta'ala, selon ce qu'il a lui-même commandé et interdit. Non pas selon les goûts de tout un chacun, ni non plus en fonction de quelconque accommodation, mais plutôt en fonction de ce que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné dans son livre, le Coran, ou la sunnah de son messager sallallahu alayhi wa sallam, la tradition prophétique, de même que ce qu'il a interdit dans son livre ou dans la sunnah de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quiconque aura accompli et concrétisé cet ordre récoltera le bonheur, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvera. Nul doute qu'il se trouvera dans un bienfait. Et certes l'adoration la plus importante, et l'acte de dévouement et d'asservissement le plus noble aussi, après l'accomplissement du tawhid d'Allah, son monothéisme, c'est-à-dire le fait de ne vouer le culte exclusivement qu'à Allah, est le fait de se prosterner à Allah tabaraka wa ta'ala, par obéissance envers lui. Ainsi, la prosternation est un acte d'adoration et de soumission envers Allah, et un acte de dévouement envers lui, Azza wa Jalla, un asservissement. Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué ceci dans son livre, que le fait de se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala est un signe de soumission envers lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala honore l'être humain et l'avilie en fonction de son degré de soumission et de dévouement à lui, et également par rapport à son obéissance et son assujettissement qu'il pratique envers lui. Allah Azza wa Jalla a dit: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, de même que le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous plutôt pour Allah qui les a créés, si vraiment c'est lui que vous adorez. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Certes ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, ne s'enflent pas d'orgueil quant au fait de l'adorer, et ils le glorifient et se prosternent pour lui. Donc si les gens refusaient de se prosterner pour Allah, tabaraka wa ta'ala, par orgueil, qu'ils sachent alors que d'autres créatures, que seul Allah est en mesure de dénombrer, se prosternent pour lui, subhanahu wa ta'ala, et lui sont soumis. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le ciel a émis des bruits de craquement. Et quoi de plus normal, sachant qu'il n'y s'y trouve pas un endroit aussi large qu'une main, sans qu'il n'y ait un ange dévoué à Allah tabaraka wa ta'ala, prosterné pour lui. Donc sache qu'Allah se passe bien de nous, ô toi le croyant. Si tu venais à ne pas te prosterner pour lui, parfaitement. Si tu ne te soumettais pas, ô toi l'être humain, sache alors qu'Allah n'a nullement besoin de toi, car il possède bien d'autres créatures qui, elles, se prosternent et s'inclinent nuit et jour. Et il n'a aucunement besoin de qui que ce soit. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Ô vous les gens, c'est vous les misérables auprès d'Allah qui avez besoin de lui, tandis que c'est Allah qui est l'immensément riche, qui se passe de tout, le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait tous disparaître et ferait surgir une nouvelle création, et cela n'est certes point difficile pour Allah. Et à travers la prosternation, Allah élève des gens et en rabaisse d'autres. Ainsi quiconque fait preuve de modestie à l'égard d'Allah s'humilie pour lui et se soumet à ses commandements et se prosterne pour lui. Allah l'élève en degré auprès de lui. En revanche, quiconque se sera abstenu de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala et refusé de se prosterner pour lui, Allah l'avilera. Et ce qui a causé la perte d'Iblis, le diable, qu'Allah le maudisse, fut son refus de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a en effet dit: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa et s'enfla d'orgueil et fut du nombre des mécréants. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était un djinn au rang élevé, qui refusa d'obéir au commandement de son Seigneur. Le prendrez-vous donc, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils sont pour vous des ennemis? Quel mauvais remplaçant pour les injustes! Et il a également dit, subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa. Nous dîmes alors, ô Adam, celui-là est assurément un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez donc garde qu'il ne vous fasse sortir du paradis. Tu seras alors du nombre des malheureux. Tous ces versets démontrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala expulsa Iblis du paradis, le maudit, l'humilia et le compta parmi les mécréants et en fit du nombre des gens destinés au feu de l'enfer. Tout cela à cause de son refus et son absence de prosternation pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah avait voulu de la part des Banu Israël, les descendants du prophète Yaqub, c'est-à-dire Joseph, de la bouche de leur prophète, qu'ils se prosternent pour lui en signe de repentance et afin qu'il leur pardonne de leurs péchés. Mais ces derniers avaient refusé et ils firent ainsi partie du nombre des mécréants. Qu'Allah évoqua dans sa parole « Udkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidu al-muhsinin fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsiqun. Entrez donc par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons alors vos fautes et gratifierons davantage les bienfaisants. Mais les injustes remplacèrent ces paroles par d'autres qui ne leur avaient pas été révélées. Nous fîmes donc descendre du ciel sur les injustes un châtiment avilissant à cause de leur perversion. Le fait de se prosterner pour Allah, tabaraka wa ta'ala, est un repos et un honneur. Et cela est aussi une habitude des gens pieux. C'est également une caractéristique des prophètes et des envoyés. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet mentionné dans la sourate Maryam, Marie, un certain nombre de prophètes et de messagers d'Allah. Il dit ensuite: Oulaika alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Isra'il wa mimman hadayna wajtabayna idha tutla 'alayhim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Cela sont ceux qu'Allah a comblés de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam et de ceux que nous avons transportés sur l'arche avec Nuh, Noé, de même que parmi les descendants d'Ibrahim et de Israël, Abraham et Jacob, et également parmi ceux que nous avons guidés et élus, ceux qui, lorsque les versets du Tout miséricordieux leur étaient récités, se jetaient prosternés en pleurant. Ils entendent et écoutent les versets qui leur sont récités, puis ils ne s'en détournent pas, bien au contraire, car ces paroles ont de l'incident sur leur personne et fait naître en eux la crainte d'Allah et les pousse à se prosterner pour lui. Allah tabaraka wa ta'ala a ainsi dit: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Dis, ô toi Muhammad, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux à qui le savoir a été donné auparavant, lorsqu'on leur récitait le Coran, se jetaient prosternés, face contre terre, et disaient « Gloire à notre Seigneur !» Ce que notre Seigneur avait promis a certes été accompli. Et ils se jetaient prosternés, face contre terre, en pleurant, et cela ne fit qu'augmenter leur crainte de leur Seigneur. Ceci est une preuve que la prosternation de la récitation, celle qui est accomplie durant la récitation du Coran, et le fait de se prosterner de façon générale, existait dans les législations antérieures. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fit les éloges de ces gens vertueux de par leurs actes de piété et leur prosternation qu'ils accomplissaient pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah fit aussi les éloges de son messager sallallahu alayhi wa sallam, de même que celle de ses compagnons, pour ces mêmes raisons. Il a ainsi dit, « Muhammadun Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Ceci était donc une caractéristique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons par laquelle ils se distinguaient, à savoir qu'ils étaient fermes avec les mécréants et cléments et compatissants entre eux. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant la grâce d'Allah et son agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur description dans At-Tawrah, la Torah, et dans Al-Injil, les évangiles, telle une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, puis qui ensuite se dresse sur sa tige, sous le regard émerveillé de ceux qui l'ont semé. Afin que cela exaspère les mécréants, et Allah a promis à ceux d'entre eux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, un pardon et une énorme récompense. Et il a aussi dit, سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent de faire le bien et interdisent de faire le mal et qui respectent les lois d'Allah et annoncent la bonne nouvelle aux croyants. Tels sont les croyants. Ils se prosternent pour Allah subhanahu wa ta'ala et se dévouent pour lui. Et il s'agit là de la finalité pour laquelle Allah a créé l'univers tout entier, afin que tout ce qui s'y trouve se soumet à lui subhanahu wa ta'ala. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ne voit-il pas comment s'allongent à droite et à gauche les ombres de ce qu'Allah a créé à partir de toutes choses en signe de prosternation pour Allah, en toute humilité? Et c'est pour Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil et qui craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et accomplissent ce qui leur a été commandé. Donc toute chose et son ombre se prosternent pour Allah tabaraka wa ta'ala. Il en est ainsi. Toute créature, de même que son ombre, se prosterne pour Allah tabaraka wa ta'ala. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَدِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Et c'est pour Allah que se prosterne tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, bon gré, mal gré, de même que leur ombre, en début et en fin de journée. Donc certaines d'entre ces créatures se prosternent par obéissance, et en sont récompensés à juste titre, tandis que d'autres en sont contraintes malgré elles. Ainsi les animaux, les végétaux, les roches, tous se prosternent pour Allah tabaraka wa ta'ala, par obéissance et asservissement envers lui, subhanahu wa ta'ala. Tandis que d'autres créatures ne se prosternent pas par soumission, mais plutôt par avilissement et humiliation, qu'elles le veuillent ou non. Et celles-ci subiront un dur châtiment pour avoir refusé de se prosterner par obéissance. Et celui qui ne se sera pas prosterné par soumission envers Allah tabaraka wa ta'ala dans sa vie d'ici-bas, alors qu'il en aura eu la capacité, espérera au jour de la résurrection pouvoir le faire, cependant qu'il n'en aura plus les moyens. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet dit « Yawma yukshafu an saq, wa yud'auna ila sujoudi, fala yastati'oun, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla, wa qad kanu yud'auna ila sujoudi, wa hum salimoun, fadharni, wa man yukadhibu bihada al-hadith, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم Inna kaydi matin, le jour où Allah dévoilera une partie de sa jambe, le jour de la résurrection, et que les gens seront appelés à se prosterner, ils en seront incapables. Leur regard sera abaissé, et ils seront recouverts d'un avilissement. Cependant, qu'ils avaient été appelés à se prosterner de leur vivant sur terre, alors qu'ils étaient en parfaite santé. Laisse-moi donc, avec ceux qui démentent ce discours, nous allons assurément les conduire graduellement par où ils ne savent pas, et les laisser en vie pour un temps, car mon stratagème est puissant. Regarde donc cette menace du Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala, faite à l'encontre de celui qui ne se prosterne pas pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Ô vous les gens, certes le fait de se prosterner pour Allah, tabaraka wa ta'ala, est une considération et un honneur, et c'est aussi une tranquillité pour l'homme, car Allah élève l'être humain en fonction de ses prosternations et son asservissement. Comme cela a été établi d'après Thawban ibn Majdad, dans le recueil de récits de l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de prosternation que tu accomplis sans qu'Allah ne t'élève en degré auprès de lui, par son biais. Et peu importe la nature de la prosternation que tu accomplis, que cette prosternation soit obligatoire ou facultative, ou qu'il s'agisse d'une prosternation durant la récitation du Qur'an, ou d'une prosternation due à une distraction durant la prière, ou bien encore d'une prosternation de remerciement à Allah ou de toute autre nature. » Il a authentiquement été établi par l'imam Muslim dans le récit de Rabi'at ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu, qui a dit « J'assistais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui apportais l'eau pour ses ablutions et pour d'autres besoins aussi. Jusqu'à ce qu'il me dise un jour « Demande-moi une chose, ô Rabi'a. » Je lui dis ainsi « Ô messager d'Allah, je te demande le privilège d'être ton compagnon au paradis. » Le prophète dit ensuite « Y a-t-il autre chose ?» Je répondis « Juste ceci. » Il dit alors, aide-moi alors à pouvoir répondre à ta demande en multipliant les prosternations. Donc toi aussi, ô toi le musulman, si tu désires faire partie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mets en application ce conseil prophétique et aide le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à pouvoir combler ton désir en accomplissant beaucoup de prosternations, jusqu'à ce que tu deviennes un compagnon du messager d'Allah au paradis. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Et quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront au paradis avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, ainsi que les vertueux, et quel bon compagnon que cela. Le fait de se prosterner pour Allah tabaraka wa ta'ala permet de gagner l'agrément du tout miséricordieux et fait aussi pleurer Shaytan, le diable. Il a été établi chez l'imam muslim, dans le récit de Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'enfant d'Adam, l'être humain, récite le Coran, puis une fois arrivé au niveau d'une prosternation de la récitation, se prosterne, le Shaytan se retire en pleurant, en disant, malheur à moi, il a été commandé à l'homme de se prosterner, et il se prosterna. En conséquence de quoi, il entrera au paradis. Quant à moi, on m'a ordonné de me prosterner, mais j'ai refusé. En conséquence de quoi, je rentrerai dans le feu de l'enfer. Il pleure, car il sait qu'il se dirige droit vers l'enfer, et que ce sera sa demeure dernière. Cela, car il refusa de se prosterner. Et il sait que celui qui aura réussi dans cette vie d'ici-bas et qui sera le véritable gagnant est celui qui aura été obéissant, car il se sera prosterné et humilié pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le fait de se prosterner pour Allah, azza wa jalla, est un acte qui rapproche d'Allah. Il a été rapporté dans le recueil de récits authentiques de Muslim, d'après le récit d'Ibn Abbas radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quant à l'inclinaison, évoquez votre Seigneur l'immense » durant son accomplissement. Et quant à la prosternation, multipliez-y les invocations et demandes, car cet instant est plus digne et plus propice à ce qu'elle vous soit accordée. Plus l'être humain se prosterne, et plus il se rapproche de son Seigneur. Et le moment durant lequel l'homme se trouve le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est prosterné. Tout ceci nous informe des mérites de la prosternation. Et nous tirons comme enseignement du récit précédemment cité qu'il ne convient pas que le temps de la prosternation soit court, car il y est évoqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Multipliez-y les invocations et demandes ». Et le fait de faire des efforts dans la multiplication des invocations ne peut se réaliser dans un laps de temps très court, car cela implique pour le prieur de faire beaucoup de demandes à ce moment, sachant qu'Allah tabaraka wa ta'ala est à cet instant proche de lui. Et également dû au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Car cet instant est plus digne et plus propice à ce qu'elle vous soit accordée ». Donc multipliez les invocations d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que les demandes lors de vos prosternations, des demandes dénuées de toute agression, injustice ou transgression. De cette façon, celles-ci seront acceptées par la volonté d'Allah. La prosternation pour Allah tabaraka wa ta'ala est un avertissement pour le diable. Il a en effet été rapporté par Abu Daoud, d'après le récit d'Ibn Abbas radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nomma les deux prosternations de la distraction al-mulghamatan, celle qui humilie. Car l'accomplissement de ces deux prosternations humilie le shaitan. Et il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, si l'un de vous se distrait durant la prière au point de douter sur le fait d'avoir ajouté ou manqué une étape, qu'il fasse travailler sa mémoire. Ensuite, qu'il accomplisse les deux prosternations de la distraction. Voilà tout ce qu'il incombe aux prieurs si le diable aura réussi à jeter son emprise sur lui pendant sa prière et à le distraire. L'adjonction de ces deux prosternations permet ainsi au prieur de compléter sa prière. Et cela avilit par la même occasion le shaitan, qui au final ne lui aura causé aucun tort par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car le prieur se sera à travers l'ajout de ces deux prosternations de la distraction plié et soumis à Allah azza wa jalla et s'en sera remis à lui. La prosternation, aussi courte soit-elle, est comptée auprès d'Allah. Il a ainsi été établi dans le récit d'Al-Ahnaf, Ibn Qais, rapporté par l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il entra un jour dans le Bayt al-Maqdis, la mosquée sacrée à Jérusalem, et il y vit un homme en train d'accomplir de nombreuses prières et prosternations. Puis lorsque ce dernier termina, il lui dit « Ô toi l'homme, as-tu mis fin à tes prières alors que leur nombre était pair ou impair ?» L'homme répondit « Si je ne le sais pas, Allah lui le sait certainement. Car mon bien-aimé m'a certes dit. » Puis l'homme se mit à pleurer. Puis il dit, « Mon bien-aimé m'a certes dit. » Puis l'homme se mit à pleurer de nouveau. Il dit ensuite, « Mon bien-aimé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a certes dit, tu n'accomplis certainement pas de prosternation sans qu'Allah ne t'élève en degré auprès de lui par leur biais, ni ne t'expie tes fautes. » Al-Ahnaf lui dit alors, « Qui es-tu ?» L'homme répondit, « Je suis Abu Dharr, le compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Al-Ahnaf dit ensuite, « Je me suis alors senti tout petit. » C'est-à-dire qu'après qu'Al-Ahnaf, qu'Allah lui fasse miséricorde, sut qu'il s'agissait d'Abu Dharr, il rabaissa sa personne par modestie face à lui, face à cet homme pieux, ascète et plein de crainte, qu'Allah l'agrée, ainsi que l'ensemble des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il en est ainsi, tel est le rang et la place de la prosternation auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se prosternait beaucoup, de même qu'il s'inclinait beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait certes dit à Maryam, « Ya Maryam uqnuti li rabbiki, wasjudi warka'i ma'arraki'in. » Ô Maryam, Marie, obéis à ton Seigneur et prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Allah lui commanda ainsi d'abonder dans l'accomplissement de prosternations. Ce verset est donc une preuve de l'obligation de multiplier les prosternations, car c'est en cela que consiste véritablement l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ceci étant dit, toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Donc si une affaire venait à se compliquer pour toi, te causant quelques soucis ou autres, fais en sorte que ces derniers se dissipent. Et parmi les plus grandes causes qui te permettent de faire dissiper tes soucis, il y a le fait de se prosterner pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une affaire se compliquait pour lui et le préoccupait, disait « Oh Bilal, tranquillise-nous » avec l'appel à la prière. Et la prière demande d'être concentré et est composée de récitations de Qur'an, d'inclinaisons et de prosternations. Et son Seigneur tabaraka wa ta'ala l'avait certes orienté vers cela. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et nous savons parfaitement que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent, ô toi Muhammad. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange, et sois de ceux qui se prosternent, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Donc toi aussi, si tu te trouvais dans une situation similaire, c'est-à-dire dans l'angoisse ou la difficulté, sache alors que si tu entrais en prière et que tu te prosternais pour ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, Allah te viendra assurément en aide et te facilitera tes affaires à travers ses louanges et ses bonnes éloges, ainsi que ses bienfaits. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Et c'est à Allah qu'appartient les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Dis au toi Muhammad, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu l'arraches de qui tu veux. Si tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, un bienfait, puis qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'accorde ce bienfait, fais alors preuve de reconnaissance envers lui, subhanahu wa ta'ala, en le remerciant. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah lui permit de conquérir Mecca, la Mecque, il y entra humblement, la tête baissée, en signe de soumission pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'il fut informé de la conversion à l'islam de la tribu de Hamdan, il se prosterna pour Allah, afin de le remercier. Il en est ainsi que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui apportait une bonne nouvelle, il se prosternait pour Allah. Et peu de gens, parmi les musulmans, pratiquent cette louable sunnah. Et il s'agit là de la prosternation de remerciement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela ne lui était aucunement pénible, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette prosternation n'est pas propre à une joie ou un contentement particulier, mais elle convient plutôt à chaque fois qu'un bonheur ou qu'un bienfait atteint, que tu y répondes en te prosternant pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Car ce bienfait venant d'Allah implique de ta part et demande de toi que tu lui en sois reconnaissant. Et la plus grande manière de remercier ton Seigneur est le fait que tu te soumettes à lui avec humilité. Et Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, lorsqu'il entendit la voix du crieur, qui annonçait qu'Allah avait accepté son repentir, en disant « Réjouis-toi, ô Ka'b ibn Malik, de l'acceptation de ton repentir de la part d'Allah !» Ka'b ibn Malik se jeta prosterné pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le récit a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim. Cela prouve que la prosternation de remerciement a fermement été établie par Ka'b ibn Malik dans les deux recueils de récits authentiques à l'époque de la révélation. Il considéra ainsi cela comme étant un acte d'adoration voué à Allah subhanahu wa ta'ala et un remerciement qui lui était adressé. Et rien ne fut révélé par la suite qui informa que cela était une erreur de sa part. Bien au contraire, Allah fit ses éloges de par son repentir sincère, l'endurance dont il avait fait preuve, de même que sa gratitude. Et il a également été établi, parmi les actes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce dernier se prosternait en remerciement pour Allah lorsqu'un bonheur l'atteignait, ou qu'il était informé d'une heureuse nouvelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala fit ses éloges dans ce sens et le préserva de l'animosité des polythéistes mécois lorsqu'il allait seul se prosterner à proximité de la Kaaba dans la mosquée sacrée à Mecca à l'époque de la peur durant laquelle les mécois mécréants lui étaient hostiles. Il passa ainsi parmi eux alors qu'ils étaient armés de leurs épées, de leurs lances et de bien d'autres attirails et qu'ils étaient en grand nombre. Il sortait ainsi de chez lui malgré tout cela et allait se prosterner le visage posé au sol poussiéreux, en plaçant toute sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le recueil de récits authentiques de muslims, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, Abu Jahl dit un jour, Muhammad se prosterne près de la maison sacrée, tandis que vous, vous le regardez agir de la sorte, sans rien faire. Je jure que si Muhammad revient se prosterner, je l'humilierai. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rendit ainsi une nouvelle fois à la mosquée sacrée pour y prier. Puis une fois prosterné, Abu Jahl se dirigea vers lui pour l'agresser. Mais cependant, qu'il se trouvait tout proche de lui, il s'arrêta soudainement et fit des gestes avec ses mains, puis finit par rebrousser chemin. Des gens dirent alors à Abu Jahl, « Que t'est-il arrivé ? » Il répondit, « J'ai certes vu un fossé de feu effroyable, ainsi que des ailes. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit plus tard, par Allah, s'il s'était encore approché de moi, les anges l'auraient assurément démembré, membre par membre. Allah tabaraka wa ta'ala révéla ainsi, ara'ayta alladhi yanha, abdan idha salla, ara'ayta in kana ala al-huda, aw amara bit taqwa, ara'ayta in kathaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allah yara. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. As-tu vu celui qui interdit, Abu Jahl, à un serviteur d'Allah d'accomplir la prière, le prophète Mohammed? Vois-tu comment ce dernier se trouve sur la bonne voie? Et comment il ordonne la piété? Et vois-tu comment le premier dément notre message et lui tourne le dos? Ne sait-il pas qu'Allah voit tout? Oh que non! S'il ne cesse d'agir de la sorte, nous le saisirons certainement par le toupet. Le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qu'il fasse donc appel à son assemblée, nous ferons alors appel à nos soldats, les anges du châtiment. Oh que non! Ne lui obéis pas, ô toi Muhammad, mais prosterne-toi plutôt et rapproche-toi de moi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.